Chapitre 42e. La revanche d'une nouille. Dutilleul ne savait pas ce qu'il avait poussé une nouvelle fois à retourner aux Tournelles. Pas plus qu'il ne savait encore qu'il avait pris une très bonne décision. Simplement, il lui avait paru essentiel d'être sur place. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Dans le même temps, les parents prévenus commençaient à arriver. Il avait chargé Bellegarde de les réceptionner. Il n'avait pas envie de les voir, du moins pour le moment. Surtout qu'ils savaient à peu près ce qu'ils allaient dire, c'est-à-dire rien. Pour eux aussi, ce serait la surprise la plus totale. Comment pouvait-il en être autrement? Aucun des prévenus n'avait franchement le profil du délinquant. Toutefois, il se réservait l'exclusive des parents Turandeau. Au regard des faits, il pouvait être tout à fait intéressant de leur parler. Tiphaine Gervelier avait arrêté un plan et elle en était assez fière, même si l'arrestation de Franck lui avait mis un sacré coup au moral. En peu de temps, elle s'était énormément attachée à lui, et le sentiment avait été réciproque. Pourtant, elle savait maintenant qu'il allait faire de la prison, mais elle s'en moquait, elle s'était jurée de l'attendre. Pourquoi? Parce qu'il avait eu la franchise de tout lui dire, sans jamais chercher à alléger ses responsabilités. Naturellement, le meurtre de la vieille dame l'avait terrifié. En revanche, elle avait plus de mal à situer Dacrou. Elle ne l'avait peut-être jamais croisé. Elle, en retour, lui avait parlé du journal. Immédiatement, Franck s'était montré très intéressé et il lui en avait fait comprendre toute l'importance. Aussi, très discrètement, s'était-elle mise à fouiller les affaires de Thérèse. En fait, faire le tour de la chambre avait été très rapide. De toute façon, avec la disposition des lieux, c'était vite fait. Autre avantage, elle savait exactement ce qu'il fallait chercher. Elle avait eu tout le loisir de le voir, ce maudit cahier. Alors, s'il pouvait être l'outil de sa vengeance? En y réfléchissant, elle était parvenue à la conclusion que le journal ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit, tout à fait digne de Thérèse, quand elle y pensait, mais pas infaillible. Une fois de plus, c'était Franck qui l'avait mise sur la voie. Il lui avait parlé de l'imminence d'une nouvelle action du Club 23. Il avait ajouté qu'il avait peur. Elle savait très bien qu'il avait prévenu les flics, mais il n'avait pas eu besoin de la faire jurer pour qu'elle garde le secret absolu. Elle l'avait simplement conforté dans sa décision. Il fallait que tout cela s'arrête et que Thérèse paye pour ce qu'elle avait fait. Elle s'apprêtait donc, elle aussi, à dénoncer sans vergogne celle qui s'était présentée comme une amie. Bien sûr, elle devait bien admettre que certaines explications de Franck étaient assez floues. Mais au moins voyait-elle le schéma d'ensemble. Bien plus important encore, elle avait compris combien Thérèse était nocive, une véritable reine de la manipulation qui se croyait franchement supérieure. Seulement, cette prétendue supériorité avait été bien utile à Tiphaine, puisqu'elle lui avait permis de rouler Thérèse dans la farine. En effet, pas totalement nouille, elle avait bien remarqué que sa relation avec Franck avait l'air de lui plaire. Sans doute devait-elle penser, à tort, qu'elle contrôlait encore la situation. Aveuglée ainsi, elle ne verrait rien venir. Tiphaine avait alors bien pris soin de se tenir le plus éloigné possible de Thérèse, afin de ne pas se trahir prématurément. On ne savait jamais, puis elle devait bien reconnaître qu'elle n'était pas très sûre de bien pouvoir conserver son calme. Thérèse était tout de même une fine mouche, elle ne devait pas l'oublier. Seul bémol, elle n'avait toujours pas interrogé son grand-père au sujet du Club 23. Pourtant, elle savait que c'était urgent. Elle apprendrait certainement des choses utiles. Franck, pour sa part, ne lui avait fait part que du peu qu'il connaissait, c'est-à-dire que c'était Thérèse qui l'avait fait revivre. Comment celle-ci était au courant de ce club était une énigme qui ne serait peut-être jamais résolue, mais là, elle s'en moquait éperdument. Ce n'était pas vraiment important. Elle devait concentrer tout son esprit à sa vengeance et surtout agir ouvertement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Elle avait vu le commissaire chargé de l'enquête. Il passait pour être très compétent. Elle avait décidé de rester à l'affût, de l'attendre. Elle savait parfaitement qu'elle devait provoquer les événements et mieux, comment s'y prendre. Elle s'imaginait d'ici la surprise et surtout l'incompréhension de Thérèse. Ah, elle allait les payer très cher, les propos blessants qu'elle avait écrits à son endroit. Elle allait lui donner tout le temps de les regretter, si cela pouvait la remettre définitivement à sa place. Dès que Dutilleul fut en vue des Tournelles, il ne put que remarquer la grande fille rousse assez jolie qui stationnait patiemment derrière le portail. Elle semblait attendre quelque chose et au départ, Dutilleul n'en fut pas très content, Puis il se rappela que Madrier étant toujours au commissariat avec Séverin, personne n'avait dû faire attention à la demoiselle. Il allait en faire la remarque à un jeune policier en faction, quand la jeune fille s'avança vers lui d'un air très déterminé. Lutyol ne put s'empêcher de la regarder avec surprise, car elle ne plaisantait pas. Effectivement, en guise de présentation, elle lui dit « Suivez-moi, je crois que je peux vous aider. » Dutilleul, sans réfléchir plus avant, obtempéra. Finalement, on ne savait jamais. Thérèse Turandot essayait depuis plusieurs heures de se concentrer sur un problème de trigonométrie. Elle pensait ainsi parvenir à distraire son esprit, mais rien à faire, celui-ci battait la campagne. Les caractères dansaient devant ses yeux, sans qu'elle parvienne à leur donner un sens. Au bout d'un moment, elle repoussa le livre de maths avec dégoût. Elle aura bien le temps de voir plus tard. Décidément, toute cette affaire l'affectait bien plus que prévu, ce qui n'était guère digne d'elle. Finalement, que regrettait-elle? En dehors de la perte de son autorité, pas grand-chose, si ce n'est peut-être Simiane. Il s'était montré, et de très loin, son meilleur soldat. Celui-ci ne posait pas de questions. Au moins, avec celui-ci, elle ne s'était pas trompée. Les autres pouvaient pourrir en prison, elle n'en avait rien à faire. Au fond, il n'avait que ce qu'il méritait. Soudain, Thérèse entendit du bruit dans le couloir, mais la chose ne l'inquiéta pas outre mesure. Elle jeta machinalement un regard par la fenêtre. Une voiture de police stationnait devant l'entrée. Sans doute, Madrier était-il revenu. Toutefois, très vite, elle eut le sentiment que les pas se dirigeaient bel et bien vers la chambre, et elle ne parvint pas à contrôler la panique qui l'envahit même si elle se serait giflée. Elle ouvrit frénétiquement son cartable et saisit le cahier à la couverture plastifiée, mais il était déjà trop tard. Ensuite, tout se passa si vite que Dutilleul devait toujours conserver une vision très floue des événements. La fille rousse, il apprit plus tard qu'elle s'appelait Tiphaine Gervelier, se jeta littéralement sur le cahier auquel se cramponnait désespérément Thérèse Turandot. À sa plus grande consternation, il s'aperçut très vite que celle-ci n'avait pas le dessus, car elle était coincée contre son bureau. Comme l'autre fille lui avait instinctivement coupé toute retraite, elle ne pouvait guère bouger. Ainsi, le cahier, qui semblait être bien précieux, fut très vite libéré sous les coups de poing assénés par la fille rousse. Elle y mettait une rage qui ressemblait à un règlement de compte. Dutilleul, intrigué malgré tout, saisit le cahier au vol, puis il choisit de mettre fin au pugilat. Mal lui en prit, car les griffes de ces demoiselles étaient maintenant de sortie, et sa joue droite reçut une magnifique estafilade qui, heureusement, évita de peu l'œil. Il était grand temps d'aller chercher du secours, même s'il hésitait à s'éclipser. Il sortit toutefois et appela du renfort à plein poumon devant une file d'élèves alertés par le bruit. Il s'apprêtait à les exhorter à rentrer dans leur chambre quand il vit la terreur sur tous les visages. Il se calma instantanément, comprenant le traumatisme de la situation. Peut-être n'était-il pas utile d'en rajouter aussi. Et c'est d'une voix beaucoup plus douce qu'il invita ces demoiselles à rentrer dans leur chambre, ce qu'elles firent, malgré le tapage qui redoublait de plus belle. Dutilleul, quant à lui, regagna la chambre plus vite et bien lui en prit, car la situation avait tourné très nettement à l'avantage de Thérèse Turandot. Comment était-elle parvenue à se dégager, à vrai dire, Dutilleul n'eut pas le temps de se le demander. Tout ce qu'il vit, c'est que les doigts de ladite Thérèse serraient rageusement le cou de l'autre fille. Celle-ci avait soudain blêmi de façon inquiétante et commençait à suffoquer. Dutilleul n'eut dès lors plus guère le loisir de s'interroger, car il fallait agir, aussi saisit-il sans ménagement Thérèse par les épaules. La surprise lui fit immédiatement relâcher un peu son étreinte, ce qui permit à l'autre fille de se dégager et de s'effondrer sur une chaise. Dans le même temps, Dutilleul avait réussi à saisir les bras de l'agresseuse et les maintenait sans ménagement en arrière, même si celle-ci cherchait toujours une prise pour pouvoir le griffer. Pour couronner le tout, elle se mit à l'insulter copieusement, mais Dutilleul s'en moquait, il savait que la partie était gagnée. Quand le premier policier arriva, il lui demanda de sortir ses menottes et d'arrêter la furie. Une fois la chose faite, Thérèse Turandot fut évacuée prestement. Elle s'était tue et le regardait à présent d'un air buté. Cela promettait pour l'interrogatoire qui ne manquerait pas de suivre. Mais pour l'instant, Dutilleul choisit de reporter son attention sur l'autre fille, qui avait l'air assez mal en point. Déjà, de très vilaines marques noires commençaient à paraître sur son cou. Il fallait appeler un médecin au plus vite. Heureusement pour lui, Patricia lui avait rappelé de prendre son portable aussi put-il appeler les secours. Maintenant, la fille était calme, comme brisée. Elle pleurait silencieusement en se tordant les mains. Il choisit de ne pas la laisser seule. Il lui fit signe de ne pas parler, mais elle tenait visiblement à lui dire quelque chose, aussi se prépara-t-il à l'écouter. Au prix d'un effort considérable, elle lui dit « Pour le club 23, parlez à mon grand-père. Je crois qu'il peut vous renseigner. Son nom est Robert Lurel. Il habite Villeneuve-Saint-Georges. » Dutilleul regarda une nouvelle fois la jeune fille avec intérêt. Décidément, elle se révélait bien précieuse. Il espérait sincèrement qu'elle n'allait pas garder des séquelles de toute cette aventure, car, à y regarder de plus près, elle était bien jolie. Puis il fit prix d'une intuition. « Dis-moi encore une chose, veux-tu bien? Ne serais-tu pas l'ami de Frank Steiner ?» Elle répondit affirmativement en hochant la tête. Elle ajouta, avec ses dernières forces, « Aidez-le, s'il vous plaît. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux rien te promettre. Je dois te quitter, mais j'essaierai de te voir un peu plus tard. » Dutilleul sortit de la chambre quand le médecin entra. Il était temps à présent de regagner le commissariat. Il emportait avec lui le précieux cahier bleu, et ne pouvant plus contenir sa curiosité, il se mit à lire. À vrai dire, les premières pages n'étaient guère intéressantes, si ce n'est que Thérèse affichait immédiatement une très haute idée de sa personne, ce qui ne le surprit pas. Très vite, cependant, il en saisit toute l'importance, car le propos changeait du tout au tout. La suite n'était qu'un concentré de haine qui le mit mal à l'aise. Il referma le journal avec épouvante. La suite attendrait l'intimité de son bureau. Au commissariat, il croisa Viard qui le regarda avec des yeux ronds. « Que vous est-il arrivé? Vous vous êtes battu avec un chat ou quoi ?» Dutilleul rougit jusqu'à la racine des cheveux, ce qui eut l'air de beaucoup plaire à son chef qui n'en reprit pas moins. « Bon, allez vite me faire nettoyer ça à l'infirmerie, car il ne manquerait plus que ça s'infecte. » Dutilleul, pour cacher sa confusion, y alla sur le champ. Bien évidemment, il eut également à subir les remarques de l'infirmière qui ne manqua pas d'en rajouter. Il eut un mal fou à éviter d'être tartiné de mercurochrome. Elle ne le renvoya pas moins, hilar, non sans l'inviter dans le même temps à revenir la voir. « Vous êtes du genre plutôt rare. » N'empêche que maintenant sa joue le brûlait sacrément. Il tenta, sans grand succès, de ne pas y penser. Mado serait furieuse, mais bon, cela faisait partie des risques du métier. Il regagna son bureau où Patricia lui jeta un regard horrifié. Elle eut toutefois le bon goût de garder ses remarques pour elle. Il pouvait une fois de plus admirer sa maîtrise. Qu'avait donc dit Morand à son sujet? La meilleure du service? Plus que jamais, il pouvait le confirmer. L'eau, qui commençait à chanter doucement dans la bouilloire, finit de lui remonter le moral. Il s'approcha de cet allié hors pair et lui serra le bras. « Merci, ma bonne Patricia. Pouvez-vous m'appeler Bellegarde? Bien sûr, où est-il? Je pense qu'il doit être en salle numéro 7. Pouvez-vous lui dire de monter immédiatement? Naturellement. Merci. Ensuite, vous me chercherez les coordonnées d'un certain Robert Lurel. Il semble qu'il habite Villeneuve-Saint-Georges. Vous le convoquez au plus vite, d'accord? Je m'en occupe immédiatement, mais auparavant, on continue avec le gunpowder. » Dutilleul eut un sourire qui lui fit mal à la joue. Il faudrait qu'il pense à faire couper les ongles de Thérèse Turandot pendant son interrogatoire, du moins s'il lui faisait enlever ses menottes. « Oui, ma bonne Patricia, cela semble être exactement le thé qui convient en la circonstance. Une dernière chose, je voudrais que vous appeliez les Tournelles et que vous preniez des nouvelles d'une jeune fille qui s'est fait agresser. Vous avez son nom ?» Dutilleul devait être fatigué, car il se sentit rougir à nouveau. Eh bien, dans le feu de l'action, je n'ai pas pensé à lui demander. « Monsieur, je sais, c'est indigne, mais buvez votre thé, je trouverai. » Bellegarde vint rejoindre Dutilleul un peu plus tard. « Eh bien, on peut dire qu'elle ne vous a pas raté, chef, » dit Bellegarde en entrant. « Laissons ça, voulez-vous? Vous avez commencé à l'interroger ?»« Non, » répondit Bellegarde. « J'ai préféré la laisser refroidir. » Si vous voyez ce que je veux dire. » Dutilleul considéra longuement Bellegarde. Décidément, celui-ci savait toujours exactement ce qu'il fallait faire. Il y avait autre chose qu'il ne lui dirait probablement jamais. c'est-à-dire que malgré tout le désir qu'il pouvait en avoir, il ne lui grillerait jamais la priorité. Comme toujours, Dutilleul était très sensible à l'attention, mais il préféra cependant changer de sujet. « Où en êtes-vous avec Philippe Thouvenot ?»« Exactement ce que vous aviez annoncé, chef, une vraie tête de mule. Pourtant, ce n'est pas un teigneux. » Quand il daigne répondre, il se montre très poli, mais il se bloque instantanément dès qu'on tente d'aborder les faits. « Bon, ce n'est pas grave, on parviendra quand même à l'avoir. »